Dans les rues sombres, notre ami éclate. Cherche les rêves d'un temps éclaté. Sous les néons criants, il partait vers l'inconnu Tony Fomblard. Parmi les ombres, il dansait léger. Tout était bruit, tout était passé, la nuit nous enveloppe. Tony est taillé d'une étoffe folle, Tony Fomblard. Tony Fomblard, Tony Fomblard, Tony Fomblard, Tony Fomblard. Cœur brûlant, la liberté c'était ton chant. Tony Fomblard.